Section 20 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, première partie, les lettres, sous-partie C, seconde moitié du XVe siècle, par Louis Petit de Jullouville. François Villon. Dans la seconde moitié du XVe siècle, la France n'a qu'un seul poète, c'est Villon. Mais un poète absolument original et personnel. Il n'a point laissé de disciples. Il était né à Paris vers 1431, de parents pauvres et obscurs. Villon n'est qu'un surnom qu'il emprunta d'un protecteur ecclésiastique, Guillaume de Villon, auquel il dut de faire des études. Les lettres de grâce, dont il eut plusieurs fois besoin, l'appellent François Desloges, François de Montcorbier. Dans les hasards de sa vie déréglée, il prend encore d'autres sobriquets. Au fait, il paraît probable que Villon, comme beaucoup de pauvres gens à cette époque, n'avait pas de nom de famille et s'appelait François, tout court. Bachelier en mars 1450, licencié maître S. Art en 1452, il n'eut peut-être pas le droit d'accuser plus tard la société de ses fautes et de ses malheurs. En somme, elle l'avait élevé, instruit, il ne tenait qu'à lui de vivre en honnête homme. Son génie ne doit pas nous fermer les yeux sur les tâches de sa vie. Des liaisons indignes l'entraînèrent jusqu'au crime. Compromis d'abord dans une affaire de meurtre, 1455, banni par contumace, puis gracié, 1456, il écrivit cette année-là le Petit Testament, en 45-8. Il n'était pas l'inventeur de ce cadre plaisant. Jean de Main, avant lui, avait fait son testament satirique, où chaque legs cache une malice ou une bouffonnerie. L'année suivante, 1457, une bande de voleurs dénonce Villon comme complice. Il est condamné à la potence, et c'est alors qu'il écrit la fameuse ballade des pendus. Par bonheur, il en appelle, et le Parlement de Paris commue la peine de mort en exil. Villon disparaît 4 années. En 1461, nous le retrouvons à Main-sur-Loire, dans la prison épiscopale, où, pour expier nous ne savons quel nouveau méfait, il languit depuis 6 mois, au pain et à l'eau. L'avènement de Louis XI, 2 octobre 1461, amène sa délivrance. Pendant les mois qui la suivent, il compose le Grand Testament. Après cette date, Villon disparaît de l'histoire. Rabelais le fait vivre jusqu'à la vieillesse et voyager en Angleterre. Il compte sur lui des traits plaisants, conformes à son caractère, mais tout cela paraît légendaire. Il est beaucoup plus probable que Villon mourut peu après 1461, encore jeune, mais épuisé avant l'âge par l'inconduite et la misère. Notre histoire littéraire n'offre pas d'autre exemple d'un criminel débauché, plus ou moins responsable, qui ait été en même temps un poète de génie. Il ne faut pas que les traits plaisants ou bouffons semés dans les 2 testaments de Villon nous fassent illusion sur le vrai caractère de ce génie, triste au fond, et même douloureux. L'originalité singulière de Villon consiste tout en ceci, qu'il a su exprimer d'une façon tout à fait personnelle et saisissante les lieux communs éternels qui intéressent et touchent tous les hommes. Par exemple, s'il dit l'horreur de la mort, quoi de plus banal, tous les hommes mourront comme lui. Mais ce n'est pas l'inflexible loi commune à tous qui l'émeut et qui l'inspire, ou plutôt il la voit à travers l'épouvante de sa propre mort, affreuse et prochaine. Il concentre en lui-même les amertumes et les tristesses, les terreurs et les remords de toutes les âmes humaines, brièveté de la vie, fuite de la jeunesse, vanité des amours déçus, rage des ambitions trompées, regret des années perdues sans retour, tremblements religieux et révoltes de l'esprit, tous ces sentiments généraux que tous les hommes ont sentis, il les sent en lui-même, non par l'imagination, mais par le cœur et les entrailles. Il les exprime avec une intensité d'émotion poétique où peu de poètes sont parvenus, même après lui, et avec un style, ou plutôt un accent, qui est à lui seul. Sa langue est nette, précise et ferme. Le trait est vigoureux et perçant, mais parfaitement naturel. Il est obscur quelquefois par la multiplicité des allusions aux aventures oubliées de sa vie misérable. Mais l'obscurité est dans notre ignorance, et non dans sa langue serrée et concise, elliptique souvent, mais claire au fond, comme sa pensée. Le fameux jugement de Boileau sur Villon, insignifiant et même faux si on l'explique au sens littéral, car Villon n'a rien débrouillé dans l'art de ces vieux romanciers auxquels il n'emprunte rien, ni sa forme ni ses idées, est profondément vrai s'il signifie, comme il est possible, que Villon est le premier en date des poètes modernes, c'est-à-dire de ceux que les hommes d'aujourd'hui peuvent sentir et goûter directement, sans préparation antérieure, sans intermédiaire érudit, parce qu'ils y retrouvent et y reconnaissent leurs pensées et leurs sentiments. Ce contemporain de Louis XI pense et sent déjà comme nous, on n'en peut dire autant d'aucun de ceux qui l'ont précédé. Philippe de Comines. Un mérite analogue explique la grande renommée qui s'attache encore aujourd'hui à l'œuvre au nom de son contemporain Comines. Cet historien n'a pour nous plaire ni la vigueur éloquente de Villehardouin, ni l'exquise naïveté de Joinville, ni la couleur pittoresque de Froissart. Il nous plaît cependant, mais par des qualités tout opposées. Certes, l'esprit français n'avait pas attendu Comines pour penser, mais Comines pense plus profondément, au moins en histoire et en politique, qu'aucun de ceux qui avaient traité avant lui de ces matières. Il voit mieux les rapports des faits aux causes, il saisit le lien des choses, et croit qu'il y a quelque logique dans les affaires humaines. Il bannit le hasard trop commode aux ignorants, il croit à la providence, mais elle se sert de moyens suivis. Ses idées si neuves en son temps, exprimées dans une langue un peu froide, un peu monotone, mais claire, vigoureuse, parfois éloquente, ont fait le mérite entièrement original des mémoires de Comines. Né près de Hasbrook, vers 1447, il avait servi d'abord les ducs de Bourgogne, Philippe le Bon, Charles le Téméraire. Il connut Louis XI à Péronne et sut deviner le génie du roi même dans cette surprise où il s'était laissé jouer. 5 ans plus tard, 1472, Comines quitta le duc et passa au service de Louis XI, qui paya sa défection d'une fortune princière. Jusqu'à la fin du règne, 1483, Comines fut mêlé par son maître aux négociations les plus graves, les plus secrètes, les plus délicates. Louis XI, souvent battu jusque-là, ne compta plus que des succès dès qu'il eut Comines. Disgracié sous Charles VIII et à demi ruiné, encore employé mais peu de temps durant l'expédition d'Italie, négligé par Louis XII, Comines essaya de tromper l'ennui de son ambition déçue en écrivant ses mémoires. Il les avait commencés dans une cage de fer à Loches, où il fut 8 mois prisonnier. Il les acheva dans la retraite vers 1500. Il mourut 11 ans plus tard, le 18 octobre 1511. Comines n'est pas un historien d'archives et de cabinet, mais un homme d'État et d'action qui raconte ce qu'il a fait ou vu faire. Il a nulle ambition d'écrivain, il croyait seulement fournir des matériaux à l'histoire. Il dédie son livre à l'archevêque de Vienne, en priant ce prélat de le traduire en beau latin. L'archevêque, heureusement, n'en fit rien. Nous avons gardé Comines en français. Ce latin qu'il respecte si fort, Comines l'ignorait. Élevé pour les armes, soldat, politique, toujours absorbé par les besognes présentes, Comines ne sut rien de l'Antiquité. En revanche, il connaissait bien les langues modernes, l'espagnol, l'italien, l'anglais, peut-être l'allemand. Il avait voyagé par toute l'Europe et fréquenté directement tous les grands personnages de son époque. Questionneur moins curieux que Froissart, peut-être, mais observateur plus profond, il avait appris tout ce qu'on peut apprendre en pratiquant les hommes et en maniant les affaires. Le livre est comme l'homme, fait d'expérience et de réflexion. Il décrit peu et peint faiblement. Quelquefois, il compte avec finesse, mais surtout les réflexions et les jugements sont empreints d'une admirable profondeur. Froissart met mieux en scène, mais Comines explique mieux la pièce. Il dépasse son temps, non seulement par l'intelligence des faits, si obscure d'ordinaire aux contemporains, et des causes, si inconnues, mais par la haute et libre portée des appréciations. Dégagé de tout modèle et de toute imitation, comme de tout préjugé, il ne s'abuse même pas sur lui-même, ni sur Louis XI, qu'il admire, mais sans idolâtrie. Ce serviteur d'un roi absolu pose en principe que pas un écu ne devrait être payé sans que le peuple l'eût voté par ses représentants. Il dit que les sages rois consultent leurs sujets et tiennent compte de leurs avis, que l'Angleterre est le mieux gouvernée de tous les pays parce que le peuple y a part au gouvernement. Il devine la théorie future de l'équilibre européen et l'impossibilité dans l'avenir de la monarchie universelle par la coalition naturelle de toutes les nations menacées. Ce contemporain de Machiavel est lui-même trop souvent machiavélique et raconte sans rien blâmer d'abominables intrigues décorées du beau nom de négociations politiques. La passion du succès obscurcit un peu sa conscience. La grandeur du but lui fait oublier quelquefois la laideur des moyens. Peu d'hommes d'État dans l'histoire échappent tout à fait aux mêmes reproches. Du moins Comines, s'il semble trop indulgent aux perfidies et aux violences dans le détail des affaires, quand il en vient à les apprécier dans leur ensemble, reprend l'intégrité de son jugement et les estimant de plus haut met mieux les choses à leur valeur. Devant le cercueil de Charles Téméraire, devant celui de Louis XI, il écrit sur l'inanité de l'ambition, sur l'éphémère durée des hautes fortunes, des pages admirables de force et de simplicité, des pages dont Bossuet lui-même ne dépassera pas la mélancolique grandeur. Villon et Comines, l'un comme poète et l'autre comme historien et comme penseur, surpassent de bien haut leur époque. Il ne semble pas que les contemporains aient senti cette éclatante supériorité. Comines, dont les mémoires devaient rester inédits jusqu'à 1523, compta durant sa vie plus d'ennemis et d'envieux que d'admirateurs. Villon fut goûté par les uns comme un bouffon plaisant, méprisé par d'autres pour les hontes de sa vie. Mais personne ne prévit sa gloire, et plusieurs durent le confondre avec tel facétieux vulgaire comme Guillaume Coquillard, son contemporain. Le théâtre, mystère, moralité, farce, sottise. Ce qu'il y avait de fin et de profond dans Villon devait échapper au goût un peu fruste et grossier de l'époque. La même cause assurait le succès du théâtre où la finesse et la profondeur font si peu pour la fortune des pièces. Ce fut alors l'apogée du genre dramatique au Moyen-Âge et le plaisir du spectacle devint la seule distraction littéraire de plusieurs générations. Nobles, bourgeois, prêtres, moines, vilains, avec les femmes, les enfants, toute une ville, toute une province, s'ébranlait pour aller voir en rang pressé la passion ou la vie de Saint-Martin par personnage. Les princes, les monastères, les paroisses, les corporations, les municipalités, les simples particuliers faisaient assaut de zèle et de générosité pour fournir des acteurs, des décors, des costumes. L'immense popularité du théâtre au XVe siècle s'explique par des circonstances générales. L'époque de l'avènement des Valois est celle où l'on voit se former en France un commencement de vie sociale par l'augmentation de la population urbaine, le développement des arts, de l'industrie et du commerce, l'accroissement de la bourgeoisie en nombre, en richesse, en influence. En même temps, l'ignorance et la rusticité populaire diminuent par la diffusion générale des moyens de culture et d'instruction. Toutes ces conditions favorables au développement de la vie sociale favorisaient aussi le succès du théâtre, celui de tous les genres littéraires qui s'adressent le mieux aux foules. Dans cette œuvre immense, près d'un million de vers, et peut-être en avons-nous perdu davantage, l'historien apprend beaucoup. La vie du XVe siècle est mieux peinte dans tel mystère que dans maintes chroniques. Le lettré trouve peu à y glaner. La diffusion du style est extrême et généralement la platitude répond à la prolixité. Les auteurs écrivaient sans génie, sans goût, sans choix, au courant de la plume. Ils ne se souciaient pas d'être lus, ne songeaient qu'à la représentation pour le succès de laquelle, aujourd'hui même, le style importe très peu. Le sujet des mystères était tiré de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et de la vie des saints. Ainsi, la conception dramatique d'où est sorti le mystère, était certainement grandiose, puisqu'elle ne se proposait rien de moindre que d'étaler aux yeux de spectateurs croyants les objets de leur foi et de leur adoration. Mais le génie des ouvriers ne répondit pas à la grandeur de l'entreprise, et celle-ci échoua en somme, quoique le prodigieux succès des représentations et l'immense popularité des mystères puissent encore aujourd'hui faire illusion. Le mystère a péri sans retour par un triple défaut, la diffusion, la trivialité, l'abus du comique. Le mystère ne se proposait pas, comme fit la tragédie, de dénouer une crise morale, mais d'étaler aux yeux un spectacle large et complexe. Ainsi, dès l'origine, pour mieux calquer la vie, et surtout pour distraire et amuser les spectateurs, le mystère avait admis le mélange du comique avec le pathétique. Ces disparates de ton, mieux supportés au théâtre chez les Anglais et les Espagnols, ont toujours été dangereuses en France, car tout contraste heurté y prête au ridicule. Ce danger fut mortel au genre qui nous occupe. Au XVIe siècle, les spectateurs, mis en gaieté par le comique des mystères, finirent par s'égayer aussi du pathétique et du sérieux. Il en résulta que le Parlement de Paris interdit, en 1548, de donner les choses saintes en spectacle, puisque c'était désormais les livrer à la dérision. Le même scrupule gagna les provinces. En peu d'années, le mystère disparut. Le mystère, avec plus ou moins de raison, prétendait édifier les âmes par le spectacle de l'histoire sacrée, tout en les amusant par tout ce qu'il y mêlait de profane. La moralité dramatique était édifiante aussi par un autre procédé. La leçon y était plus directe, étant appuyée d'événements fictifs qu'on inventait tout exprès pour la justifier. Il n'est pas étonnant que le genre ait fleuri au XVe siècle, époque où tout le monde est transporté de la manie d'enseigner et de prêcher quelque chose, où l'esprit didactique a pénétré tous les genres d'écrits, où la sage Christine de Pisan veut régenter les vieux capitaines, où Villon lui-même fait quelquefois le prédicateur. Deux procédés de style, dont le siècle abusa partout, fleurissent dans la moralité comme il était naturel, c'est l'abstraction et l'allégorie. Le genre en est un peu refroidi, sans être pour cela toujours ennuyeux. Il abonde en peinture fidèle des mœurs domestiques du temps. Et ces détails nous intéressent encore par leur précision naïve. La moralité admettait aussi le comique. Parfois même, elle mêlait singulièrement la gaillardise la plus crue avec ses édifiants sermons. Ce mélange n'est point dans les farces, et le genre brille par l'unité. La farce est une petite pièce exclusivement comique ou même bouffonne qui saisit et met en scène dans une action simple et dans un cadre restreint tous les travers, les vices, les ridicules de la vie journalière et privée sans autre objet que celui de faire rire aux dépens de tout ce qui est risible. Elle ne veut ni prêcher ni corriger mais seulement amuser. Sous prétexte que rien n'est sérieux dans la farce, on s'y permet d'énormes licences qui, semble-t-il, au XVe siècle, n'étonnaient personne, mais qui effarouchent aujourd'hui fort justement les lecteurs un peu délicats. Toutefois, ce grossier condiment n'était pas nécessaire au genre, puisque Patelin, qui en est incontestablement le chef-d'œuvre, a fort bien su s'en passer. La farce, quelquefois, se mêla, sans presque hausser le ton, d'attaquer les vices publics et de toucher à la politique. Telle fut surtout l'ambition de quelques sottis, car le même nom désigne tantôt de simples parades, analogues aux boniments de nos modernes charlatans, et tantôt de véritables pamphlets dialogués où les plus hautes questions d'intérêt public étaient traitées d'une façon plaisante. Mais au fond, qu'est-ce qu'une sottie ? C'est toute farce jouée par des sots. Et qui sont les sots ? Dans la langue du théâtre au Moyen-Âge, ce sont les fous, qui, ayant revêtu la robe traditionnelle, mi-partie de jaune et de vert, et le chaperon aux longues oreilles, ont acquis le droit de tout dire et même aux grands. Ne sont-ils pas, en effet, les héritiers directs de ces antiques célébrants de la fête des fous, à qui une tradition, qui fut bien longue à déraciner, avait permis pendant plusieurs siècles de parodier à certains jours, dans l'Église même, la liturgie et la hiérarchie ecclésiastique. Cet abus disparut au XVe siècle, et c'est alors que les fous, chassés de l'église, continuèrent la fête sur les places et dans les carrefours, et commencèrent d'y jouer l'infinie parodie de la société tout entière. Dans toutes les villes de France, et non pas seulement à Paris comme on l'a cru, il se fonda au XVe siècle une foule de confréries joyeuses sous les noms les plus divers, sots ou fous, enfants sans souci, avec leurs dignitaires, le prince des sots, la mère sotte, la mère folle à Dijon, les cornards à Rouen, et 500 autres dans toutes les provinces de France. Ce sont surtout ces sociétés joyeuses qui représentaient les sottis. Au reste, au Moyen-Âge, où il n'y a pas d'acteurs de profession, tout le monde est acteur de bonne volonté. Les fameux confrères de la Passion, à Paris, autorisés à jouer des mystères par lettre patente de Charles VI en 1402, étaient des bourgeois, des artisans. Ils n'ont pas fondé le théâtre en France, comme le crut Boileau. Le théâtre existait depuis plus de 3 siècles, mais ils ont les premiers affecté une salle permanente à des représentations périodiques. Du même temps sont les puits, les confréries, les corporations de métiers, les sociétés joyeuses, nouées en vue d'amusements communs. Les basoches, qui sont des corporations de clercs formées autour des parlements, les écoliers, dans les collèges ou les universités, fournissaient des acteurs pour tous les genres de pièces. N'oublions pas les associations temporaires formées souvent par-devant notaires pour représenter un mystère à frais communs. Mais la popularité d'un genre n'est pas toujours proportionnée avec sa valeur littéraire. Celle-ci est faible dans le genre dramatique au XVe siècle, sérieuse ou comique. Patelin seul est une œuvre d'art. L'auteur inconnu de Patelin savait écrire en vers avec aisance, avec élégance. Il savait composer et développer un caractère comique. Patelin est un petit chef-d'œuvre, mais n'en grossissons pas le mérite. Patelin, fort supérieur au reste de la poésie française, entre Villon et Marot, porte toutefois la marque du temps. Il y a quelque chose de sec et de mesquin dans cette œuvre amusante. C'est la fleur d'une époque où toute littérature se flétrit. La prose, dans le même temps, nous offre les mêmes caractères. Les conteurs. Le seul prosateur contemporain de Louis XI qu'on puisse appeler un lettré, c'est Antoine de La Salle, auteur, en partie au moins, des 100 nouvelles, du petit Jehan de Saint-Tré, probablement des 15 joies de mariage. Littérature ironique, profondément immorale, où le Moyen-Âge paraît vouloir finir en se moquant, sur ses derniers jours, de tout ce que sa jeunesse avait aimé, chanté, exalté. Pour mieux marquer l'intention ironique, Jehan de Saint-Tré commence comme une chanson de geste et sur le mode chevaleresque. Puis, brusquement, dévie et finit en fabliau, comme le plus impudent des fabliaux. Jehan de Saint-Tré en prose, Patelin en vers, voilà donc les seuls chefs-d'œuvre proprement littéraires du siècle finissant. L'art ni l'esprit ne manquent aux deux auteurs, mais une veine aussi exclusivement ironique pouvait-elle devenir féconde? La littérature à la veille de la Renaissance. Tel est, au seuil du XVIe siècle, l'état de la littérature en France. Villon, mort ou muet depuis 1461, avait pour héritier des faiseurs d'acrostiches, des curieux de rimes baroques. Le théâtre ne savait glisser un peu de poésie et d'art que dans un genre étroitement satirique et foncièrement mesquin. Les conteurs n'avaient plus d'autre esprit que celui d'une ironie systématique, ni de gaieté que dans l'indécence. Dans cette littérature sénile et fatiguée, Comines apparaît très grand. Mais Comines lui-même est-il bien un lettré? Son livre est un chef-d'œuvre, mais le seul qu'il put faire. Il y a une merveilleuse correspondance entre son talent et son sujet, entre l'auteur et son héros, entre Comines et Louis XI. On ne se figure pas Comines racontant les croisades ou la vie de Saint-Louis, ou même la guerre de Cent Ans, parce que Comines a fait un livre excellent à la veille de la Renaissance, sans rien savoir de l'humanisme, sans rien devoir à l'Antiquité. Il ne s'ensuit pas que l'esprit français, décidément tari dans ses sources indigènes, aurait pu se passer impunément de la Renaissance. Elle lui devenait nécessaire. À bien dire, il l'attendait. Il en avait soif depuis un siècle. sans ce retour bienfaisant au goût, à l'amour des modèles grecs et latins, et surtout à l'intelligence de la forme antique, certes la France eût vécu, car un pays peut très bien vivre sans poésie, mais la littérature française courait grand risque de se dessécher jusqu'à mourir. Fin de la section 20.